Le retour d'un dîner royal, par Léo Larguet. Le vieil historien André Malville, membre de l'Institut, commandeur de la Légion d'honneur, correspondant de toutes les académies royales et impériales d'Europe, regagnait sa maison, les glaces de son fiacre ouvertes à la molle et tiède nuit de juin. Quelques amoureux qui rasaient les murs s'arrêtaient de temps en temps et demeuraient immobiles jusqu'à l'arrivée d'une voiture ou d'un passant. L'étoffe claire d'un corsage tachait un banc, et le vieillard entendit une fille rire et s'égrener des baisers. Il se pencha. Le couple ne valait pas cher, n'importe. André Malville repassa sa vie, et lorsqu'un homme évoque sa jeunesse, toujours une jupe froufroute sur la route des souvenirs. La seule femme qu'il eût jamais aimée, Jeanne Lillère, était la maîtresse d'un commerçant qui se ruina. Elle le quitta et vint offrir à André, qu'elle rejoignait chaque jour dans sa petite chambre de la rue de Vaugirard, de la prendre avec lui. La famille de l'étudiant se privait de tout pour le faire vivre à Paris. Sa mère, malade et usée, se tuait pour lui. Il pleura, souffrit, mais ne put rien, et l'amour sortit de sa mansarde pour n'y plus revenir. Le jeune homme perdit Jeanne de vue. Un soir, cependant, il crut la reconnaître sur le boulevard, les cheveux teints, parés et fastueusement vêtus, entrant devant un gros homme amplement fourré, dans un restaurant à la mode. Il sortit moins, craignant de la rencontrer, pensant à elle chaque jour et souffrant de la vie qu'elle était obligée de mener, détestant l'or dont on la payait, l'or qui l'avait empêché d'être heureux. Il travailla. L'histoire, surtout, fut pour lui une fenêtre ouverte sur un monde prodigieux, et vers la trentaine, il publia un volume sur la Renaissance qu'il préparait depuis longtemps, vivant avec ses personnages, avec les grands peintres, les Daguerres, les seigneurs, les ruffians dans les hôtelleries marines de Venise, avec les cardinaux de 20 ans que leur maîtresse accompagnait dans les conciles. Son grand ouvrage sur la Révolution lui avait ouvert les portes de l'Académie. Il ne s'était pas marié, une solide aisance lui était venue. Il possédait des honneurs, tout ce que les hommes en ont inventé ici-bas, croix, plaques et rubans. Et sa vie s'écoulait paisible dans son cabinet tapissé de livres au milieu de ses travaux. Il semblait avoir été gardé contre la vieillesse. Sa chevelure et sa moustache étaient grises, mais il avait peu changé, et ses yeux demeuraient extraordinairement jeunes, comme cela arrive souvent chez les spéculatifs. Semblable à tous ceux dont les amours ont été malheureuses, il était enfin content de savoir qu'à présent, la femme qu'il n'avait pu garder n'était à personne, et qu'elle avait 65 ans si elle vivait encore. Cela le consolait, et il n'avait plus peur de la rencontrer. Ce soir-là, il avait assisté à l'Élysée à un dîner de gala offert en l'honneur d'un souverain de passage qui avait bien voulu lui parler de ses livres et la lumière de la lune qui badigeonnait la façade de la bibliothèque Sainte-Geneviève polissait l'argent d'une plaque à son flanc sur son habit à palmes vertes. Lady Hamilton, la jeune femme d'un conseiller de l'ambassade anglaise, avait de bien belles épaules. Il n'aurait pas dû boire de ce champagne. Il pensait à de petits détails, à la soirée, et appuyait sa main moite contre la poignée de nacre fraîche de son épée en souriant. Le fiacre contournait le Panthéon, dont le mur haut et massif était imposant et nu avec sa petite porte de bronze, et l'esprit du savant, prompt à créer des rêveries historiques, évoqua les entrées secrètes des sanctuaires antiques par où se glissaient les augures et les prêtresses. Un autre couple passa. Le vieillard vit luire l'œil de la femme. La grande ourse était au-dessus du jardin des plantes. Il était tard. La voiture s'engagea dans une petite rue et l'historien arrêta le cocher, voulant faire quelques pas avant de se coucher. Son épée l'embarrassait et le rassurait à 7 heures de la nuit. Le cocher reçut le prix de sa course et s'en retourna, saluant son client. « Merci, mon général. » Prenant pour quelque chef militaire Jacques-André Malville, le grand historien des Médicis, des Valois, de Danton et de la reine Marie-Antoinette, dont on l'avait accusé d'être amoureux tant il l'avait peinte de fois, à Versailles, à Paris, dans ses palais ou sur le seuil de la royale laiterie, élancée et blonde, sous un chapeau de rose, avec ses bras ronds et nus. Un sac paraissait posé en travers du portail. André Malville s'approcha. C'était une vieille femme. Le hasard l'avait amenée là. Elle s'était sentie à l'abri sous la large porte et s'était endormie. Il la toucha en se baissant. Elle s'éveilla, le regarda et grogna à peine, croyant avoir affaire à quelques grands policiers à cause de l'uniforme inconnu et de l'épée. La pauvresse n'était pas trop ravagée pour son âge, même elle devait être grasse sous ses rayons. Compatissant, le vieillard la questionna. Mais lorsque la vieille eut expliqué qu'elle s'était fatiguée et qu'elle ne faisait de mal à personne, ce fut lui qui s'émut. « Cette voix, quelle ressemblance curieuse !» Jeanne parla ainsi autrefois, mais il n'osait rien, c'était fou. Et par quel miracle la voix de son amie serait-elle demeurée ainsi claire et jeune dans cette ruine? Il regarda la femme aux yeux et trembla plus fort. Alors, brusquement, il lui demanda son nom. La vieille, craintive, balbutia. « Jeanne, mais je n'ai rien fait de mal, monsieur. Jeanne Lillère. » Béant, André Malville la regardait. C'était cela, la jolie fille qu'il avait connue et aimée. C'était cette chiffonnière, attendant l'aube, tassée, lourde, souillée. C'était cela, mon Dieu. Quelle abominable chimie avait ainsi transformé cet être. Et comme elle avait dû rouler pour en arriver là. L'ombre de son claque lui cachait le visage, mais la vieille vit une larme glisser de sa joue sur l'émail d'une croix, et elle voulut encore apitoyer le savant, espérant en tirer une aumône. Elle se mit à raconter sa vie, au hasard de ses souvenirs, mais elle ne parla pas de sa liaison avec l'étudiant. Elle avait sûrement oublié cette idylle dans le flot de ses amours de rencontre, où elle n'en voulait rien dire. Elle parlait, elle mentait. Le vieillard déboutonna son frac, sortit sa bourse et tira le cordon. Que pouvait-il faire? On ne pouvait rien tenter pour la malheureuse. Son haleine empestait l'alcool, elle était au fond de tout et ne le reconnaissait pas. La porte s'ouvrit discrètement. André Malville tendit sa bourse et referma le ventail sur lui. Bouleversé, il gagna son appartement et ne se coucha pas. Le petit jour violet et frais le surprit à la fenêtre de son cabinet, qu'embaumait un brin de muguet et des roses vineuses et fortes qui s'effeuillaient sur un bouquin. Et les chiffonniers qui sortaient se demandaient quel était cet étrange vieillard en grand uniforme de si bon matin, avec son bicorne aux plumes frisées, sa cravate rouge et tous ses ordres sur la poitrine. C'était le retour d'un dîner royal par Léo Larguier.